ça y est, bien oui mon kiki. Y'a mon kiki, y'a ta tête, ma langue sur tes tétons, là j'aime bien. Quand je vois ta tête, changement d'attitude, donc je bande le matin. Mon bail est fêlé, n'aime pas le cello, toi et moi solo, tu parles latin. Et comme c'est long, me perds en foulec, non t'es se fait sans latex. Oh là là, zoom et couille, moi je vais les guillis. Oh là là, zoom et couille, moi je vais les guillis. On vit comme la coco, j'en ai foutu des coca. Sur moi à l'enquête, y'a sa chenec et pour ça y'a bien oui mon kiki. Ah putain de merde, on bigrave la coco. J'en ai foutu des coca. Merde alors, sur moi à l'enquête, y'a sa chenec et pour ça y'a bien oui mon kiki. Starfou là, bouteille de champagne, je crache tout pas. Elle a tout sur la sofa, c'est du mafouta. T'as tout vu, tu ne vois plus, shoot sur le pilon, m'avoue pas. Veste made in Italy, qu'est-ce qu'elle est maline. Laisse craquer son body, elle fils, body death line. Elle fait des manias, si je réponds pas bébé j'ai du taf. Elle veut mon kiki sur les médias. C'est qui pose, bah oui c'est ça ça. On dit grave la coco, Starfou là. J'en ai foutu des coca, merde alors. Sur moi à l'enquête, y'a sa chenec et pour ça y'a bien oui mon kiki. Oh putain de merde, on dit grave la coco, Starfou là. J'en ai foutu des coca, merde alors. Sur moi à l'enquête, y'a sa chenec et pour ça y'a bien oui mon kiki. Oh putain de merde, merde alors, Starfou là. Allez merde alors, merde alors. Un con et un con qui font du son, c'est un concombre. Mais c'est pas fini. Bing.